Toujours à l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les rendez-vous de souvenirs, séminaires sur ses exploits, entretiens, conférences, expositions de livres et de photos coréens et sciences films ont eu lieu en Russie, en Grande-Bretagne, en Serbie, en Allemagne, en Bulgarie, au Pakistan, en Ouganda, en Afrique du Sud, à Sri Lanka, en Islande, au Myanmar, en Hongrie, en Roumanie, en Italie et en Angola. Dans les salles étaient exposées les photos sur les exploits immortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un. Aux séances de films, on a projeté les documentaires coréens représentant la vie révolutionnaire et les exploits immortels du président coréen. À la cérémonie tenue en Grande-Bretagne, on a adopté un message de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.